des chenilles toutes timides. Et on aimait parler de sujets un peu trop délirants aux yeux de gens trop bien pensants. La métamorphose a eu lieu. Tes potes ont cru en nous. D'autres n'ont rien compris à ce jeune. Et ils sont restés mous. L'envol des papillons. On veut. Société ancrée dans les habitudes de tourner en rond. L'envol des papillons.